troisième et dernier focus de la soirée, et pour le coup, on va aller du côté des États-Unis pour aller voir le groupe Suffering Hour, un groupe qui est donc une collaboration, alors qu'il a l'air de venir de plusieurs États, parce qu'on a des membres qui viennent du Colorado et d'autres du Minnesota. Suffering Hour, c'est un groupe de Black Death, alors je le répète un petit peu à chaque fois, mais il se trouve que la scène Black et Black Death des États-Unis, moi je la connais très très peu, et je la néglige largement, et je me fais surprendre à chaque fois par des groupes qui viennent comme ça, et qui me rappellent qu'il serait largement temps que je prenne du temps pour écouter un petit peu cette scène. En tout cas là, le groupe donc sort son second album, il a été précédé en 2014 d'un premier EP, suivi de leur premier album, In Passing Ascension, qui est sorti en 2017, qui était déjà une vraie pépite, et voire je le préfère personnellement par rapport à cette nouvelle sortie. Alors bon, je pense que c'est parce qu'il y a une ambiance un peu plus sombre, et surtout très sourde dans leur son, et je trouve que c'est vraiment vraiment très bien fait. Cet album, il a été suivi d'un EP en 2019, Dwell, qui est sympa, même si bon, je dirais qu'il est peut-être un petit peu plus anecdotique. Et finalement, on arrive à ce nouvel album, The Cyclic Reckoning, qui est sorti le 19 février chez Profound Lore Records, et qui est vraiment chouette à écouter. Alors déjà, il est accompagné d'une pochette que je trouve assez cool, qui est un peu en style gravure. Alors au-dessus, on y voit un homme avec deux épées à la main, qui est avec un espèce de cadavre de serpent au sol. Alors est-ce que c'est censé être une représentation de Adam qui tue le serpent et qui en absorbe l'énergie ? Ou alors c'est vraiment quelque chose de plus fantastique et je rate complètement le message. Moi ça me rappelle aussi certaines représentations qu'on a de Conan le Barbare. En tout cas, c'est vraiment un travail que je trouve de très grande qualité et je tenais à le mettre en avant. Maintenant, concernant le contenu de l'album, comme je disais, bon, j'ai vraiment adoré. On est sur du Black Death qui est assez dissonant et qui est assez torturé également. Au niveau de l'équilibre des pistes déjà, c'est assez surprenant dans le sens où on a 4 morceaux qui font entre 5 et 7 minutes, voire qui frôlent les 8 minutes, et à la fin on a un gros morceau de 16 minutes. On est sur une musique qui est assez étouffante et qui laisse pas beaucoup le temps de respirer, même si sur cet album par rapport au précédent, on a quelques points de lumière à droite à gauche qui viennent éclaircir un peu le tableau, mais sinon on est sur quelque chose de très sombre et de très pesant. Et ce que je trouve vraiment remarquable, c'est que on s'ennuie pas en fait, on est un petit peu constamment surpris par les orientations qui sont prises dans la composition, et je trouve que c'est vraiment très très cool. Je suis plutôt un amateur moi de toute la scène avant-garde black metal, particulièrement la scène française, et là retrouver ça dans du Black Death, c'est vraiment très plaisant. En tout cas, bon, là pour conclure, je vous recommande d'écouter cet album, je vous recommande également d'écouter In Passing Ascension, le précédent qui est pour moi encore meilleur. Et du coup, on va s'en écouter un morceau, alors j'aurais bien aimé vous passer le morceau de 16 minutes que je trouve vraiment excellent, mais on va éviter que Sylvain ait à charcuter le morceau pour vous en extraire quelques pistes et je vous recommande d'aller l'écouter. À la place, on va plutôt s'écouter le morceau Transcending Antecedent Visions, qui fait déjà 8 minutes et que je trouve assez représentatif de ce qu'il y a dans la globalité de l'album.